poème que tu m'écrivis en français. J'y t'écrasais sous ton mépris éternel. Ton serment d'amour infini s'efface comme nos baisers tendres à New York. Devrais-je renoncer à cette forteresse que notre chaux et argile ont bâtie aux vagues de la mer qui l'encercle? Devrais-je accepter de nouveaux idylles sans litanie ni faste? Je me souviens de toi quand tu m'oublies, me confiant à des proches et des autres qui m'apprennent des chemins vers ton bonheur. L'oracle de ton prompt retour est un chardon que je cultive dans l'abandon. Ce que j'ai planté avec toi se flétrit. Depuis 1998, je t'avais préparé pour les dames. Tu l'as volé et pris mon navire. Pour cet exploit, tu auras des applaudissements. Moi, je jouerai ton exil sur ma harpe. Je t'avais préparé pour les dames. Tu l'as volé et pris mon navire. Pour cet exploit, tu auras des applaudissements. Moi, je jouerai ton exil sur ma harpe.